Eugénie Grandet, Honoré de Balzac. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Eugénie Grandet, quatrième partie. Au lieu de sortir par la porte de la salle qui donnait sous la voûte, Grandet fit la cérémonie de passer par le couloir qui séparait la salle de la cuisine. Une porte battante, garni d'un grand carreau de verre ovale, fermait ce couloir du côté de l'escalier afin de tempérer le froid qui s'y engouffrait. Mais en hiver, la bise n'en sifflait pas moins par là très rudement et, malgré les bourrelets mis aux portes de la salle, à peine la chaleur s'y maintenait-elle à un degré convenable. Nanon alla verrouiller la grande porte, ferma la salle et détacha dans l'écurie un chien loup dont la voix était cassée comme s'il avait une laryngite. Cet animal, d'une notable férocité, ne connaissait que Nanon. Ces deux créatures champêtres s'entendaient. Quand Charles vit les murs jaunâtres et enfumés de la cage où l'escalier à rampe vermoulue tremblait sous le pas pesant de son oncle, son dégrisement à la rinforzando. Il se croyait dans un juchoir à poules. Sa tante et sa cousine, vers lesquelles il se retourna pour interroger leur figure, étaient si bien façonnées à cet escalier que, ne devinant pas la cause de son étonnement, elles le prirent pour une expression amicale et y répondirent par un sourire agréable qui le désespéra. « Mais que diable mon père m'envoie-t-il faire ici ?» se disait-il. Arrivé sur le premier palier, il aperçut trois portes peintes en rouge étrusque et sans chambranle, des portes perdues dans la muraille poudreuse et garnie de bandes de fer boulonnées, apparentes, terminées en façon de flamme comme l'était à chaque bout la longue entrée de la serrure. Celle de ces portes qui se trouvait en haut de l'escalier et qui donnait entrée dans la pièce située au-dessus de la cuisine était évidemment murée. On n'y pénétrait en effet que par la chambre de Grandet, à qui cette pièce servait de cabinet. L'unique croisée d'où elle tirait son jour était défendue sur la cour par d'énormes barreaux en fer grillagé. Personne, pas même Madame Grandet, n'avait la permission d'y venir. Le bonhomme voulait y rester seul, comme un alchimiste à son fourneau. Là, sans doute, quelque cachette avait été très habilement pratiquée. Là, s'emmagasinaient les titres de propriété. Là, pendaient les balances à peser des louis. Là, se faisaient nuitamment et en secret les quittances, les reçus, les calculs, de manière que les gens d'affaires, voyant toujours Grandet prêt à tout, pouvaient imaginer qu'il avait à ses ordres une fée ou un démon. Là, sans doute, quand Nanon ronflait à ébranler les planchers, quand le chien-loup veillait et bâillait dans la cour, quand Madame et Mademoiselle Grandet étaient bien endormies, venait le vieux tonnelier, choyé, caressé, couvé, cuvé, cercler son or. Les murs étaient épais, les contrevents discrets. Lui seul avait la clé de ce laboratoire où, disait-on, il consultait des plans sur lesquels ces arbres à fruits étaient désignés et où il chiffrait ses produits à un provin, à une bourrée près. L'entrée de la chambre de génie faisait face à cette porte murée. Puis, au bout du palier, était l'appartement des deux époux qui occupaient tout le devant de la maison. Madame Grandet avait une chambre contiguë à celle de génie, chez qui l'on entrait par une porte vitrée. La chambre du maître était séparée de celle de sa femme par une cloison et du mystérieux cabinet par un gros mur. Le père Grandet avait logé son neveu au second étage dans la haute mansarde située au-dessus de sa chambre, de manière à pouvoir l'entendre s'il lui prenait fantaisie d'aller et venir. Quand Eugénie et sa mère arrivèrent au milieu du palier, elles se donnèrent le baiser du soir. Puis, après avoir dit à Charles quelques mots d'adieu, froid sur les lèvres, mais certes charlereux au cœur de la fille, elles rentrèrent dans leur chambre. « Vous voilà chez vous, mon neveu, » dit le père Grandet à Charles en lui ouvrant sa porte. « Si vous aviez besoin de sortir, vous appelleriez Nanon. Sans elle, votre serviteur, le chien vous mangerait sans vous dire un seul mot. Dormez bien. Bonsoir. »« Ah ! Ces dames vous ont fait du feu, » reprit-il. En ce moment, la grande Nanon apparut, armée d'une bassinoire. « En voilà bien d'une autre !» dit M. Grandet. « Prenez-vous mon neveu pour une femme en couche ? Veux-tu bien remporter ta braise, Nanon ?»« Mais, monsieur, les draps sont humides, et ce monsieur est vraiment mignon comme une femme. »« Allons, va, puisque tu l'as dans la tête, » dit Grandet en la poussant par les épaules. « Mais prends garde de mettre le feu !» Puis l'avare descendit en grommelant de vagues paroles. Charles demeura pantois au milieu de ses malles. Après avoir jeté les yeux sur les murs d'une chambre en mansarde tendue de ce papier jaune à bouquets de fleurs qui tapissent les guinguettes, sur une cheminée en pierre de liais cannelée dont le seul aspect donnait froid, sur des chaises de bois jaune garnies en canne vernissée et qui semblaient avoir plus de quatre angles, sur une table de nuit ouverte dans laquelle aurait pu tenir un petit sergent de voltigeurs, sur le maigre tapis de lisière placé au bas d'un lit à ciel dont les pentes en drap tremblaient comme si elles allaient tomber, achevées par les vers, il regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit « Ah ça, ma chère enfant, suis-je bien chez M. Grandet, l'ancien maire de Saumur, frère de M. Grandet de Paris ?»« Oui, monsieur, chez un ben aimable, ben doux et ben parfait monsieur. Faut-il que je vous aide à défaire vos malles ?»« Ma foi, je le veux bien, mon vieux troupier. N'avez-vous pas servi dans les mardins de la garde impériale ?»« Oh, oh, oh !» dit Nanon. « Quoi que c'est que ça, les marins de la garde ? C'est-il salé ? Ça va-t-il sur l'eau ? Tenez, cherchez ma robe de chambre qui est dans cette valise. En voici la clé. » Nanon fut tout émerveillée de voir une robe de chambre en soie verte à fleurs d'or et à dessins antiques. « Vous allez mettre ça pour vous coucher ? » dit-elle. « Oui. » « Sainte Vierge ! Le beau devant d'autel que ça ferait pour la paroisse. Mais, mon cher mignon monsieur, donnez donc ça à l'église, vous sauverez votre âme, tandis que ça vous la fera perdre. Oh, que vous êtes gentil comme ça, je vais appeler mademoiselle pour qu'elle vous regarde. Allons, Nanon, puisque Nanon il y a. Voulez-vous vous taire ? Laissez-moi me coucher, j'arrangerai mes affaires demain. Et si ma robe vous plaît tant, vous sauverez votre âme. Je suis trop bon chrétien pour vous la refuser en m'en allant, et vous pourrez en faire tout ce que vous voudrez. » Nanon resta plantée sur ses pieds, contemplant Charles, sans pouvoir ajouter foi à ses paroles. « Me donnez ce bel atour, » dit-elle en s'en allant. « Il rêve déjà, ce monsieur. Bonsoir. » « Bonsoir, Nanon. » « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? » se dit Charles en s'endormant. « Mon père n'est pas un niais. Mon voyage doit avoir un but. Psh ! À demain les affaires sérieuses !» disait je ne sais quel ganache grec. « Sainte Vierge, qu'il est gentil, mon cousin !» se dit Eugénie en interrompant ses prières, qui, ce soir-là, ne furent pas finies. Madame Grandet n'eut aucune pensée en se couchant. Elle entendait, par la porte de communication qui se trouvait au milieu de la cloison, l'avare se promenant de long en long dans sa chambre. Semblable à toutes les femmes timides, elle avait étudié le caractère de son seigneur. De même que la mouette prévoit l'orage, elle avait, A, d'un perceptible signe, pressentit la tempête intérieure qui agitait Grandet et, pour employer l'expression dont elle se servait, elle faisait alors la morte. Grandet regardait la porte intérieurement doublée en tôle qu'il avait fait mettre à son cabinet et se disait « Quelle idée bizarre a eu mon frère de me léguer son enfant. Jolie succession. Je n'ai pas 20 écus à donner. » Mais qu'est-ce que 20 écus pour ce mirliflore qui lorgnait mon baromètre comme s'il avait voulu en faire du feu ? En songeant aux conséquences de ce testament de douleur, Grandet était peut-être plus agité que ne l'était son frère au moment où il le traça. « J'aurai cette robe d'or ?» disait Nanon qui s'endormit habillée de son devant d'autel, rêvant de fleurs, de tapis, de damas. Pour la première fois de sa vie, comme Eugénie rêva d'amour. Dans la pure et monotone vie des jeunes filles, il vient une heure délicieuse où le soleil leur épanche ses rayons dans l'âme, où la fleur exprime des pensées, où les palpitations du cœur communiquent au cerveau leur chaude fécondance et fondent les idées en un vague désir. Jour d'innocente mélancolie et de suave joyeuseté. Quand les enfants commencent à voir, ils sourient. Quand une fille entrevoit le sentiment dans la nature, elle sourit comme elle souriait enfant. Si la lumière est le premier amour de sa vie, l'amour n'est-il pas la lumière du cœur ? Le moment de voir clair aux choses d'ici-bas était arrivé pour Eugénie. Matinale comme toutes les filles de province, elle se leva de bonne heure, fit sa prière et commença l'œuvre de sa toilette, occupation qui désormais allait avoir un sens. Elle lissa d'abord ses cheveux châtains, tordit leurs grosses nattes au-dessus de sa tête avec le plus grand soin, en évitant que les cheveux ne s'échappassent de leurs tresses, et introduisit dans sa coiffure une symétrie qui rehaussa la timide candeur de son visage en accordant la simplicité des accessoires à la naïveté des lignes. En se lavant plusieurs fois les mains dans de l'eau pure qui lui durcissait et rougissait la peau, elle regarda ses beaux bras ronds et se demanda ce que faisait son cousin pour avoir les mains si mollement blanches, les ongles si bien façonnés. Elle mit des bas neufs et ses plus jolis souliers. Elle se laça droit, sans passer d'œillets. Enfin, souhaitant pour la première fois de sa vie de paraître à son avantage, elle connut le bonheur d'avoir une robe fraîche, bien nette, et qui la rendait attrayante. Quand sa toilette fut achevée, elle entendit sonner l'horloge de la paroisse et s'étonna de ne compter que 7 heures. Le désir d'avoir tout le temps nécessaire pour se bien habiller l'avait fait lever trop tôt. Ignorant l'art de remanier 10 fois une boucle de cheveux et d'en étudier l'effet, Eugénie se croisa tout bonnement les bras, s'assit à sa fenêtre, contempla la cour, le jardin étroit et les hautes terrasses qui le dominaient, vue mélancolique, bornée, mais qui n'était pas dépourvue des mystérieuses beautés particulières aux endroits solitaires ou à la nature inculte. Auprès de la cuisine se trouvait un puits entouré d'une margelle et à poulies maintenues dans une branche de fer courbée qu'embrassait une vigne aux pampres flétries, rougies, brouillie par la saison. De là, le tortueux sarment gagnait le mur, s'y attachait, courait le long de la maison et finissait sur un bûcher où le bois était rangé avec autant d'exactitude que peuvent l'être les livres d'un bibliophile. Le pavé de la cour offrait ses teintes noirâtres produites avec le temps par les mousses, par les herbes, par le défaut de mouvement. Les murs épais présentaient leurs chemises vertes, ondées de longues traces brunes. Enfin, les 8 marches qui régnaient au fond de la cour et menaient à la porte du jardin était disjointe et ensevelie sous les hautes plantes comme le tombeau d'un chevalier enterré par sa veuve au temps des croisades. Au-dessus d'une assise de pierre, toute rongée, s'élevait une grille de bois pourri, à moitié tombée de vétusté, mais à laquelle se mariaient à leur gré des plantes grimpantes. De chaque côté de la porte à claire-voie s'avançaient les rameaux tortus de deux pommiers rabougris. Trois allées parallèles, sablées et séparées par des carrés dont les terres étaient maintenues au moyen d'une bordure en buis, composaient ce jardin que terminait, au bas de la terrasse, un couvert de tilleuls. À un bout, des framboisiers. À l'autre, un immense noyer qui inclinait ses branches jusque sur le cabinet du tonnelier. Un jour pur et le beau soleil des automnes naturels aux rives de la Loire commençait à dissiper le glacis imprimé par la nuit aux pittoresques objets, aux murs, aux plantes qui meublaient ce jardin et la cour. Eugénie trouva des charmes tout nouveaux dans l'aspect de ces choses auparavant si ordinaires pour elle. Mille pensées confuses naissaient dans son âme et y croissaient à mesure que croissaient au dehors les rayons du soleil. Elle eut enfin ce mouvement de plaisir vague, inexplicable, qui enveloppe l'être moral comme un nuage envelopperait l'être physique. Ses réflexions s'accordaient avec les détails de ce singulier paysage, et les harmonies de son cœur firent alliance avec les harmonies de la nature. Quand le soleil atteignit un pan de mur d'où tombaient les cheveux de Vénus aux feuilles épaisses à couleurs changeantes comme la gorge des pigeons, de célestes rayons d'espérance illuminèrent l'avenir pour Eugénie qui, désormais, se plut à regarder ce pan de mur, ses fleurs pâles, ses clochettes bleues et ses herbes fanées auquel se mêla un souvenir gracieux comme ceux de l'enfance. Le bruit que chaque feuille produisait dans cette cour sonore en se détachant de son rameau donnait une réponse aux secrètes interrogations de la jeune fille qui serait restée là toute la journée sans s'apercevoir de la fuite des heures. Puis vinrent de tumultueux mouvements d'âme. Elle se leva fréquemment, se mit devant son miroir, et s'y regarda comme un auteur de bonne foi contemple son œuvre pour se critiquer et se dire des injures à lui-même. Je ne suis pas assez belle pour lui. Telle était la pensée de Génie, pensée humble et fertile en souffrance. La pauvre fille ne se rendait pas justice, mais la modestie, ou mieux la crainte, est une des premières vertus de l'amour. Eugénie appartenait bien à ce type d'enfants fortement constitués, comme ils le sont dans la petite bourgeoisie, et dont les beautés paraissent vulgaires. Mais si elle ressemblait à la Vénus de Milo, ses formes étaient ennoblies par cette suavité du sentiment chrétien qui purifie la femme et lui donne une distinction inconnue aux sculpteurs anciens. Elle avait une tête énorme, le front masculin, mais délicat, du Jupiter de Phidias et des yeux gris auxquels sa chaste vie, en s'y portant tout entière, imprimait une lumière jaillissante. Les traits de son visage rond, jadis frais et rose, avaient été grossis par une petite vérole assez clémente pour ne point y laisser de traces, mais qui avait détruit le velouté de sa peau, néanmoins si douce et si fine encore, que le pur baiser de sa mère y traçait passagèrement une marque rouge. Son nez était un peu trop fort, mais il s'harmonisait avec une bouche d'un rouge de minium dont les lèvres à mille raies étaient pleines d'amour et de bonté. Le col avait une rondeur parfaite. Le corsage bombé, soigneusement voilé, attirait le regard et faisait rêver. Il manquait sans doute un peu de la grâce due à la toilette, mais, pour les connaisseurs, la non-flexibilité de cette haute taille devait être un charme. Eugénie, grande et forte, n'avait donc rien du joli qui plaît aux masses. Mais elle était belle de cette beauté si facile à reconnaître et dont s'éprennent seulement les artistes. Le peintre qui cherche ici-bas un type à la céleste pureté de Marie, qui demande à toute la nature féminine ses yeux modestement fiers devinés par Raphaël, ses lignes vierges souvent dues au hasard de la conception, mais qu'une vie chrétienne et pudique peut seule conserver ou faire acquérir. Ce peintre, amoureux d'un si rare modèle, eût trouvé tout à coup dans le visage d'Eugénie la noblesse innée qui s'ignore. Il eût vu sous un front calme d'un monde d'amour et dans la coupe de ses yeux, dans l'habitude de ses paupières, le je ne sais quoi divin. Ses traits, les contours de sa tête que l'expression du plaisir n'avait jamais ni altéré ni fatigué, ressemblaient aux lignes d'horizon si doucement tranchées dans le lointain des lacs tranquilles. Cette physionomie calme, colorée, bordée d'une lueur comme une jolie fleur éclose, reposait l'âme, communiquait le charme de la conscience qui s'y reflétait et commandait le regard. Eugénie était encore sur la rive de la vie où fleurissent les illusions enfantines, où se cueillent les marguerites avec des délices plus tard inconnues. Aussi se dit-elle en se mirant sans savoir encore ce qu'était l'amour. « Je suis trop laide. » Il ne fera pas attention à moi. » Puis, elle ouvrit la porte de sa chambre qui donnait sur l'escalier et tendit le cou pour écouter les bruits de la maison. « Il ne se lève pas, » pensa-t-elle en entendant la tousserie matinale de Nanon et la bonne fille allant, venant, balayant la salle, allumant son feu, enchaînant le chien et parlant à ses bêtes dans l'écurie. Aussitôt Eugénie descendit et courut à Nanon qui trayait la vache. « Nanon, ma bonne Nanon, fais donc de la crème pour le café de mon cousin. »« Mais, mademoiselle, il aurait fallu s'y prendre hier, » dit Nanon qui partit d'un gros éclat de rire. « Je ne peux pas faire de la crème. Votre cousin est mignon, mignon, mais vraiment mignon. Vous ne l'avez pas vu dans sa chambre louque de soie et d'or. Je l'ai vu, moi. » Il porte du linge fin comme celui du surplis à monsieur le curé. Nanon, fais-nous donc de la galette. Et qui me donnera du bois pour le four, et de la farine, et du beurre ? Dit Nanon, laquelle, en sa qualité de premier ministre de Grandet, prenait parfois une importance énorme aux yeux d'Eugénie et de sa mère. Faut-il pas le voler, cet homme, pour fêter votre cousin ? « Demandez-lui du beurre, de la farine, du bois. Il est votre père, il peut vous en donner. Tenez, le voilà qui descend pour voir aux provisions. » Eugénie se sauva dans le jardin, tout épouvantée en entendant trembler l'escalier sous le pas de son père. Elle éprouvait déjà les effets de cette profonde pudeur et de cette conscience particulière de notre bonheur qui nous fait croire, non sans raison peut-être, que nos pensées sont gravées sur notre front et sautent aux yeux d'autrui. En s'apercevant enfin du froid dénuement de la maison paternelle, la pauvre fille concevait une sorte de dépit de ne pouvoir la mettre en harmonie avec l'élégance de son cousin. Elle éprouva un besoin passionné de faire quelque chose pour lui. Quoi ? Elle n'en savait rien. Naïve et vraie, elle se laissa aller à sa nature angélique sans se défier ni de ses impressions ni de ses sentiments. Le seul aspect de son cousin avait éveillé chez elle les penchants naturels de la femme et ils durent se déployer d'autant plus vivement qu'ayant atteint sa 23e année, elle se trouvait dans la plénitude de son intelligence et de ses désirs. Pour la première fois, elle eut dans le cœur de la terreur à l'aspect de son père, vit en lui le maître de son sort et se crut coupable d'une faute en lui taisant quelques pensées. Elle se mit à marcher à pas précipités en s'étonnant de respirer un air plus pur, de sentir les rayons du soleil plus vivifiants et d'y puiser une chaleur morale, une vie nouvelle. Pendant qu'elle cherchait un artifice pour obtenir la galette, il s'élevait entre la grande Nanon et Grandet une de ces querelles aussi rares entre eux que le sont les hirondelles en hiver. Muni de ses clés, le bonhomme était venu pour mesurer les vivres nécessaires à la consommation de la journée. « Reste-t-il du pain d'hier ? » dit-il à Nanon. « Pas une miette, monsieur. » Grandet prit un gros pain rond, bien enfariné, moulé dans un de ces paniers plats qui servent à boulanger en Anjou, et il allait le couper quand Nanon lui dit « Nous sommes cinq aujourd'hui, monsieur. » « C'est vrai, » répondit Grandet. « Mais ton pain pèse 6 livres, il en restera. D'ailleurs, ces jeunes gens de Paris, tu verras, ça ne mange point de pain. » « Ça mange donc de la fripe, » dit Nanon. En Anjou, la fripe, mot du lexique populaire, exprime l'accompagnement du pain, depuis le beurre étendu sur la tartine, fripe vulgaire, jusqu'aux confitures d'alberge, la plus distinguée des fripes. Et tous ceux qui, dans leur enfance, ont léché la fripe et laissé le pain, comprendront la portée de cette locution. Non, répondit Grandet, ça ne mange ni fripe ni pain. Ils sont quasiment comme des filles à marier. Enfin, après avoir parcimonieusement ordonné le menu quotidien, le bonhomme allait se diriger vers son fruitier, en fermant néanmoins les armoires de sa dépense, lorsque Nanon l'arrêta pour lui dire « Monsieur, donnez-moi donc alors de la farine et du beurre, je ferai une galette aux enfants. » « Ne vas-tu pas mettre la maison au pillage à cause de mon neveu ? Je ne pensais pas plus à votre neveu qu'à votre chien, pas plus que vous n'y pensez vous-même. Ne voilà-t-il pas que vous ne m'avez tavin que 6 morceaux de sucre ? M'en faut 8. »« Ah ça, Nanon, je ne t'ai jamais connu comme ça. Qu'est-ce qui te passe donc par la tête ? Es-tu la maîtresse ici ? Tu n'auras que 6 morceaux de sucre. » »« Eh bien, votre neveu, avec quoi donc qu'il sucrera son café ? » ?»« Avec 2 morceaux. » « Je m'en passerai, moi. Vous vous passerez de sucre à votre âge. J'aimerais mieux vous en acheter de ma poche. Mêle-toi de ce qui te regarde. » Malgré la baisse du prix, le sucre était toujours, aux yeux du tonnelier, la plus précieuse des denrées coloniales. Il valait toujours 6 francs la livre pour lui. L'obligation de le ménager prise sous l'Empire était devenue la plus indélébile de ses habitudes. Toutes les femmes, même la plus niaise, savent ruser pour arriver à leur fin. Nanon abandonna la question du sucre pour obtenir la galette. « Mademoiselle ! » cria-t-elle par la croisée. « Est-ce pas que vous voulez de la galette ?»« Non, non, » répondit Eugénie. « Allons, Nanon, » dit Grandet en entendant la voix de sa fille. « Tiens !» Il ouvrit la mette où était la farine, lui en donna 1 mesure et ajouta 1/4 once de beurre au morceau qu'il avait déjà coupé. « Il faudra du bois pour chauffer le four, » dit l'implacable Nanon. « Eh bien, tu en prendras à ta suffisance, » répondit-il mélancoliquement. « Mais alors, tu nous feras une tarte aux fruits et tu nous cuiras au four tout le dîner. Par ainsi, tu n'allumeras pas 2 feux. »« Tiens !» s'écria Nanon. « Vous n'avez pas besoin de me le dire. » Grandet jeta sur son fidèle ministre un coup d'œil presque paternel. « Mademoiselle !» cria la cuisinière. « Nous aurons une galette !» Le père Grandet revint chargé de ses fruits et en rangea une première assiettée sur la table de la cuisine. « Voyez donc, monsieur, » lui dit Nanon, « les jolies bottes qu'a votre neveu. « Quel cuir et qui sent bon ! Avec quoi que ça se nettoie donc ? Faudra-t-il y mettre de votre cirage à l'œuf ? Nanon, je crois que l'œuf gâterait ce cuir-là. D'ailleurs, dis-lui que tu connais point la manière de surer le maroquin. Oui, c'est du maroquin. Il achètera lui-même à Saumur et t'apportera de quoi lustrer ses bottes. J'ai entendu dire qu'on fourre du sucre dans leur cirage pour le rendre brillant. Et c'est donc bon à manger ? Dit la servante en portant les bottes à son nez. Tiens, tiens, elles sentent l'eau de Cologne de madame. Ah, c'est-y drôle ? Drôle ? Dit le maître. Tu trouves drôle de mettre à des bottes plus d'argent que n'en vaut celui qui les porte ? Monsieur, dit-elle au second voyage de son maître qui avait fermé le fruitier, est-ce que vous ne me mettrez pas une ou deux fois le pot-au-feu par semaine à cause de votre... Oui. Faudra que j'aille à la boucherie. Pas du tout. Tu nous feras du bouillon de volaille, les fermiers ne t'en laisseront pas chômer. Je vais dire à Cornoyer de me tuer des corbeaux. Ce gibier-là donne le meilleur bouillon de la terre. C'est-il vrai, monsieur, que ça mange les morts ? Tu es bête, Nanon. Ils mangent comme tout le monde ce qu'ils trouvent. Est-ce que nous ne vivons pas des morts ? Qu'est-ce donc que les successions ? Le père Grandet, n'ayant plus d'ordre à donner, tira sa montre et, voyant qu'il pouvait encore disposer d'une demi-heure avant le déjeuner, il prit son chapeau, vint embrasser sa fille et lui dit : Veux-tu te promener au bord de la Loire sur mes prairies ? J'ai quelque chose à y faire. Eugénie alla mettre son chapeau de paille cousue doublé de taffetas rose, puis le père et la fille descendirent la rue tortueuse jusqu'à la place. « Où dévalez-vous donc, si matin ? » dit le notaire Cruchot qui rencontra Grandet. « Voir quelque chose, » répondit le bonhomme, sans être la dupe de la promenade matinale de son ami. Quand le père Grandet allait voir quelque chose, le notaire savait par expérience qu'il y avait toujours quelque chose à gagner avec lui. Donc, il l'accompagna. « Venez, Cruchot, » dit Grandet au notaire. « Vous êtes de mes amis. Je vais vous démontrer comme quoi c'est une bêtise de planter des peupliers dans de bonnes terres. » « Vous comptez donc pour rien les 60 000 francs que vous avez palpés pour ceux qui étaient dans vos prairies de la Loire ?» dit maître Cruchot en ouvrant des yeux hébétés. « Avez-vous eu du bonheur ? Couper vos arbres au moment où l'on manquait de bois blanc à Nantes et les vendre 30 francs. » Eugénie écoutait sans savoir qu'elle touchait au moment le plus solennel de sa vie et que le notaire allait faire prononcer sur elle un arrêt paternel et souverain. Grandet était arrivé aux magnifiques prairies qu'il possédait au bord de la Loire et où 30 ouvriers s'occupaient à déblayer, combler, niveler les emplacements autrefois pris par les peupliers. Maître Cruchot, « voyez ce qu'un peuplier prend de terrain, » dit-il au notaire. « Jean, » cria-t-il à un ouvrier, « me mesure avec la toise dans tous les sens. »« 4 × 8 pieds, » répondit l'ouvrier après avoir fini. « 32 pieds de perte, » dit Grandet à Cruchot. « J'avais sur cette ligne 300 peupliers, pas vrai ? Or, 300 × 32 pieds de manger, 500 de foin. Ajoutez 2 fois autant sur les côtés, 1500. Les rangées du milieu, autant. Alors, mettons 1000 bottes de foin. Eh bien, dit Cruchot pour aider son ami, 1000 bottes de ce foin-là valent environ 600 francs. « Dites 1200 francs à cause des 300 à 400 francs de regain. Eh bien, calculez que 1200 francs par an pendant 40 ans donne avec les intérêts composés que vous avez. Va pour 60 000 francs, dit le notaire. « Je le veux bien. Ça ne fera que 60 000 francs. »« Eh bien, » reprit le vigneron sans bégayer, « 2000 peupliers de 40 ans ne me donneraient pas 50 000 francs. Il y a perte. »« J'ai trouvé ça, moi, » dit Grandet, en se dressant sur ses ergots. « Jean, reprit-il, tu combleras les trous, excepté du côté de la Loire, où tu planteras les peupliers que j'ai achetés. En les mettant dans la rivière, ils se nourriront aux frais du gouvernement, » ajouta-t-il en se tournant vers Crucheux et imprimant à la loupe de son nez un léger mouvement qui valait le plus ironique des sourires. « Cela est clair. Les peupliers ne doivent se planter que sur les terres maigres, » dit Cruchot stupéfait par les calculs de Grandet. « Oui, monsieur, » répondit ironiquement le tonnelier. Eugénie, qui regardait le sublime paysage de la Loire sans écouter les calculs de son père, prêta bientôt l'oreille au discours de Cruchot en l'entendant dire à son client. « Eh bien, vous avez fait venir un gendre de Paris. Il n'est question que de votre neveu dans tout Saumur. Je vais bientôt avoir un contrat à dresser, père Grandet. Vous êtes sorti de bonne heure pour me dire ça ?» reprit Grandet en accompagnant cette réflexion d'un mouvement de sa loupe. « Eh bien, mon vieux camarade, je serai franc, et je vous dirai que vous voulez savoir. J'aimerais mieux, voyez-vous, je heter ma fille dans la Loire que de la donner à son cousin. Vous pouvez annoncer ça. Mais non. « Laissez jaser le monde. » Fin de la quatrième partie.